accroché de l'harmoniage et laisse le vent l'emporter. Bergère, tu n'es pas très sage et le vent me l'a raconté. Accroche une larme au nuage, je l'accueillerai au réveil, je la ferai couler sur ton visage, et la pluie sera mon soleil. Le vent n'ose plus me parler de toi, connaît que des refrains sans joie. Il s'est blotti dans le creux de ma main pour se cacher en attendant demain. Accroche une larme au nuage pour que le vent se mette à danser. Comme gage de courir, te couvrir de mes baisers. Accroche une larme au nuage et au désert la rose fleurira. Et même si ce n'est qu'un mirage, elle est si que j'y crois déjà. Accroche une larme au nuage et laisse le vent l'emporter. Bergère, tu n'es pas très sage et le vent